kotele mambenga e wenda komi lolanga matanza e losengo e bobeka e ngondi e mwanaki e Comme il est berta, bumba le colé, peba rumoué, peba sacoé, le couteau à mandanza, mama qui est mama. Wenda comme il qui s'engage. Comme qui s'engage, Wenda koti maye kasa, Wenda komi makanza e, Loliba e, Mosi e, Bokala e, Kibambili. Beba ndudue wenda kiye Omonite Oyo kiyango Yoko mealima Obundi na bolondo njete mabe Wenda koti maya kilwe Wenda komina kikwitie Wenda koti maya kasa Wena komina lipopo mwana mama mukiye, boga. Wenda komi na bangi e, wendo e mwana mama e. Bo wana e, ye mama e, mwana mama e. Soki baninga batuna, nga pe mose pe mboka nga I wendo e. Wapinga longongo e, baninga bakonde ba e. Iyo e, iyo e, iyo mama e, mwana mama e.